Muscum vidi a viaggiat in aquestos irruptio literario que son los escrits. Actum forso causos. Han una consistencia que s'expandis, curo parlen, lo son e lo sen fan como un rayo de soleil entre las nivules. Alors, cal escrit fa como un peire d'un te sortirio de lume curo la gaitam. Magrado de parla occita, la lengua furgo las ideio. Suscam pas de la metaiso men, sigen cusi parlen. Je vous invite à voyager dans ces irruptions littéraires que sont les écrits. Ils actent force choses, et ils ont une consistance qui s'étend. Quand je parle, le son et le sens font comme un rayon de soleil entre les nuages, alors qu'à l'écrit, ça fait comme une pierre d'où il sortirait une lumière quand on la regarde. Ça me plaît de parler occitan. La langue forge les idées. On ne réfléchit pas de la même manière suivant comment l'on parle. Pour commencer, il me faudrait un truc qui accroche, mais j'ai pas d'idée. C'est comme si j'avais des lignes de train en circuit fermé dans la tête, avec des rames sans huit et sans arrêt de gare. Ça tourne en rond. On est le 24e jour du mois d'octobre et la lune affiche complet depuis hier. Elle est partie montrer son dos rond par-delà nos horizons du globe et elle devrait revenir ce soir pour souhaiter son bel anniversaire à Dalel, la belette. Roule galette, tournée jeunesse. On pourrait commencer par allumer le gaz sous la biligue. Des œufs, de la farine de blé noir, une pincée de sel, du beurre, un peu de cantal vieux et du pain rance mais pas dur. Ça va péter. Maintenant, je m'imagine dans quelques boyaux souterrains, le corps plongé dans un liquide au froid abyssal. D'un dernier geste, je m'éteins sur les dernières lignes en remplissant mes poumons de fluide glacial. Nous installons dans le quartier d'Alviguier. À quest essert un concert et à Melasso nous boulegans, des brio y avait un peu de monde. Des murs humains cap à la nouvelle oanade. Mais senti si un peu molle, malgré des fumas, mas manjo d'énergie. Il y a des techniciens qui se fargan la scène pel concerte. Escribe issus lourdes nadou et des brumes bien muscazernes. 97 km cap à Toulouse, mais sur le trapat une piche ou carri, Citroën Saxo, mais va caldra pétassa. Faudin la microfinancio. A memus 5-6 euros d'un puits 13 mètres et pas des biages des pagamens de las fouillos. Naimus sadoul des mendigas. Rousamen, pensi que tastarai la neve, d'un puits no one, qu'aille pas faille des glisses. Nous amis sont luens. Trop. Tournaran. La sarama au cobuffon. Kilomètre zéro, Malaudache, Trieste, Liris. Une montagne de coussins. Occuper. Être là. Rentrer. Certifié non conforme. Retour à la normale. Sans droit ni titre. Que dalle. Il y a un concert qui ne devrait pas tarder à commencer. J'ai vite froid et je m'ennuie. C'est pour ça que j'écris, je crois. Pour me débarrasser de toutes les sornettes que je veux vous raconter. Mais ce sont les mêmes motifs qui reviennent. Comme le ressac de la marée. J'imagine un vieux guichet sur l'entrée d'une foire. C'est une tente, un store qui se déploie derrière lui. Il y a un chemin qui passe à côté d'un bidon de feu. La musique démarre. Il y a une tripotée de gamins qui font grappe devant le podium. Petite motive. Je vais aller me mater un film ensuite. Pas d'embrouille dans la tambouille. On fait des repas, c'est cool. La châtaigne sur zone, le bar Notave, Bellevue, la Wardine, Notre-Dame des Barricades, les escarmouches, charges, retraites, toujours ce ressac. À quoi bon retenir la vague qui se brise à tes pieds, si longtemps que tu restes au bord de l'eau, Des vagues nouvelles viendront s'y briser. Bertolt Brecht. Puis le bruit des drisses, l'air de la lue. Mediterranei, dunte lu rivace est clemen, pareis que te cambios en tormento senso preventi. Me suni Jordi, lagantaire de somis. Si en traves de munes poco, nasceri percuneis illuminitel, la robotisatio del bejaire de productio, nostra ambient tourno marit. Aven rumput lo ligan, e capitarem pas dana tourna l'imperi, l'esperi, a tutes lus, que se van marita en velo spaces. Puis, le bruit des drisses, l'air de la lue, Méditerranée, dont le rivage est clément, il paraît que tu te changes en tourmente sans prévenir. Je m'appelle Jordi, l'attrapeur de rêves. Je passe au travers de mon époque. Je suis né pour connaître le Minitel, la robotisation des moyens de production. Notre environnement devient mauvais. On a rompu le lien et on ne va pas réussir à rendre l'espoir à tous ceux qui se vont marier avec les poissons. Série noire, les chiens de la casse. Contexte, entre zones périurbaines. On n'entend plus que le bourdonnement d'une Vespa au loin. Entre le transformateur électrique et le centre de tri, il y a un champ pelé. En dessous d'un devers de terrain, les voitures gisent pêle-mêle, s'écartant du point de largage à la faveur de leur dernier élan. L'autre accès, c'est le bord d'une station d'autoroute. Les containers défilent, et enfin, en enfilade de convoi. Recrutement de joueurs. Personnages, le marchand, le compteur, l'écuyer, le chevalier, le voleur, le truand, le mécanicien, le taxi, le restaurateur, l'ouvrier, le paysan insurgé. Lieu, une aire de parking, un terrain vague, chantier, marché, route, aéroport, marina, gare, engins, des bateaux, des trains, des voitures, des vélos, des hélicos, des dirigeables, des excavatrices. Il y a un moment où j'ai tout refusé en bloc. Je ne vois pas trop ce que l'on apprécie à être français. Mon identité existe et je suis occitan. Malgré que nous n'ayons plus de nation, je pense que nous avons hérité d'une conscience qui reconnaît la complexité d'un territoire, mais qui ne se bat pas pour ses terres. Nous ne sommes pas une civilisation qui reconnaît les frontières, sachant faire parler les voix de toutes les langues. Les gens qui possèdent le 83 rue de Maubec sont venus nous faire partir et nous avons convenu d'un départ volontaire pour la semaine du 17 au 23. Je pense que l'on va organiser un événement de départ. Il convient de prendre les dispositions pour trouver un nouveau logement. Passer voir l'assistante sociale, trouver un local, un garage, une remise. Se trouver un moyen de transport, par exemple une mobylette. Trouver une façon d'organiser mes affaires pour pouvoir mener à bien mes projets. On est en 2019. On nous a coupé les lecs. Je dois effectuer 70 heures de tige, installation trapèze. S'organiser, c'est bien, mais on doit pouvoir le faire sans que cela représente une contrainte dans le quotidien. Au 49.1, nous avions régulièrement une réunion d'habitants le mardi. Ici, nous avons plutôt tendance à se réunir sur le moment et à faire passer les décisions. Une fourmi avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Raté, loupate. Aviateur, feuille, brouhaha, fourmi, mélange, prisme, à peau. Trouver, drap, merde, posthume, brocoli, chute, curiosité, firme, frime, épitaphe, pif, paf, tic, tac, mélange, melon, étalon, lactique, analphabète, nuisible, garage, étendue, fumée, boum, étincelle, vent, tuba, maracas, exploration, navire, bâtiment, disposer, perdre, résoudre, missive, roulette et laboratoire, bout du con, bloc, charge, broche, pantalon, espace, bulle, fricassé. Accompagner la génération de nouvelles perspectives dans la création, le jeu et l'échange. Nous sommes habitués à croire que notre quotidien ne peut s'échapper de l'ordinaire. Depuis l'enfance, on nous fait ranger les jours par semaine, puis on regarde s'envoler les mois petit à petit, ça fait des ans et des décennies. Je patine. Que puis-je trouver comme ancrage cohérent? Deuxième jour sans les lecs. Je ne sais pas trop si la journée va permettre d'accrocher le trapèze. Il fait gris avec une sorte de crachin un peu épais. Le hamac a dû prendre l'eau dehors, mais il risque moins à rester dehors que si je le remets dans le sac. Il a moisi l'autre jour et j'en suis un peu déçu. J'aimerais changer mon constat que je ne réussis pas à stabiliser mon habitation. J'aimerais changer mon constat que je ne réussis pas à stabiliser mon habitation. L'ouverture permanente amène quelques soucis d'intégrité. J'ai besoin d'intimité et de trouver le déploiement de mon énergie dans une activité durable. La ramée Toulouse, le 11 Crouse Chapou, j'y gagne dans la couleur des blés. Quand tu m'auras apprivoisé, les champs me rappelleront l'or de tes cheveux. Je ne suis sûr de rien, ni de la valeur des actes, ni de la garantie de leur déroulement. Ce qui me paraît convaincant, c'est une sorte de retrait avec le déroulement des choses. On agit certainement en fonction de comment on pense que les autres veulent nous voir agir. Je ne sais pas pourquoi je suis en treillis. Dérapage pas trop contrôlé, vol avec des oiseaux, escalier rempli de gravats sous les marches. C'est comme si je cherchais un moyen de tromper l'ennui de l'existence. Je me trouve sans but, je me sens fané, un être qui s'est épuisé et dont la vitalité s'est effritée. J'ai un fort sentiment de trahison, comme si mon orgueil avait créé une fracture entre le monde et ma réalité. Quand je dis ma, c'est celle qui est inhérente à ma réalité sensible. La vérité, c'est le viol et le rêve sans consentement. C'est une pensée étrange, elle signifie qu'il y a toujours une intentionnalité qui déborde sur l'autre et les autres. Ou les autres. La recherche de l'harmonie est un but utopique, mais une motivation réelle. Pour s'opposer à la tyrannie, il ne convient pas d'inverser les rôles. Je me pose la question sur la violence morale, sur l'affectation physique et sur l'empreinte sexuelle. Je veux parler de viol et c'est ce qui me fait taire. C'est un sujet inabordable. Il s'agit d'un crime comme un assassinat ou voler les sous de l'État. On distingue la force, la surprise et l'emprise morale. Une des raisons pour laquelle il est malaisé de protéger une victime, quel mot odieux, c'est que l'agresseur a conscience de la vulnérabilité et s'inscrit dans le paysage normal de la personne. Un autre phénomène notable, c'est la culpabilisation de la personne à qui il arrive une mésaventure, en outre sa discréditation. Je me suis fait agresser une fois à Saint-Aubin, il y avait de nombreux témoins, je suis allé déposer plainte. Une autre fois, dans des circonstances défavorables, je me suis fait frapper, mais c'est moi qui ai fini avec trois plaintes sur la gueule. Les tribunaux jugent des reproductions, des représentations. On doit pouvoir décomplexifier les choses, les rendre préhensibles à l'entendement. Ici, à Chapou, il y a une affiche de prévention, ne rien laisser passer. Avec le message, la violence sexuelle. Les violences sexuelles ne font pas partie du programme. Je pense qu'il y a un problème avec l'identification et le nom que l'on donne aux violences. Abus, sexuel, viol, harcèlement, presque des gros mots. mais qui décrivent des choses très signifiantes. Dans mon approche de 2017, je me concentre sur la fabrication du consentement à travers la sollicitation et le respect du désir. Laisser la place à l'autre et n'avoir pas de contraintes dans le rapport physique. En 2018, dans le cadre du suivi psy mis en place par le département, je devais m'interroger sur les causes qui font que si je me retrouve dans un rapport défavorable, le refus n'est pas entendu. Je pense que le viol est beaucoup plus présent et accepté que combattu et condamné dans la société d'aujourd'hui. On ne traite pas la question de violence en général, on les écarte. Le manque de pertinence est de mise et on stigmatise violeurs et victimes. La campagne contre le harcèlement chez Tisséo illustre bien le phénomène avec des monstres à la Pixar qui seraient la vermine qu'il faut chasser. J'ai l'impression que l'on oublie que les comportements sont intégrés et que la responsabilité individuelle ne peut être uniquement ciblée dans la reproduction des schémas. Il est urgent de s'éduquer face à la violence, pas en la faisant passer pour une maladie bizarre et extra-humaine, mais en prenant en compte la complexité de notre espèce et les enjeux et pressions de la société. Il y a des personnalités qui prennent plus de place et des personnes qui se replient davantage dans leur retranchement. Dissiper. Ça m'évoque un ciel qui s'éclaircit. Envie de croco, fluxus. Une journée plus douce que la veille. Estación Segento. Estación Venento. Pato dao, quoi. Les gens attendent l'ouverture de la porte. Cinéma. Cinéma, il y a besoin de la fiction pour parler du monde dans lequel on vit. Le ciel est clair, c'est le retour des beaux jours. Radio Caducée, les ondes qui vous pirablent le cerveau. Refus, refuse, add-on, essuyer. Il n'est pas facile de contrer une sentence sociale. Elle se fait sans juge, n'est écrite nulle part. La matière du consensus me semble illustrer la dimension organique de notre espèce dans son ensemble. Dans son ensemble. Il n'y a pas de situation qui ne subisse aucune déformation. Le discours dominant engage celui que l'on abuse à se venger par ses propres moyens et à se faire l'outil de la violence. La non-violence, si elle est une discipline individuelle, permet-elle d'intervenir sur la violence que l'on subit de l'extérieur? Où trouver la lucidité qui nous permette de lutter contre toute forme de violence? Que faire face au besoin de s'affirmer dans un groupe avec des enjeux de position sociale? Les sentiments eux-mêmes sont parfois violents. On peut en ressentir parfois leur débordement sur certaines personnes. Colère, désir, angoisse, culpabilité, affliction, sidération. On ne veut pas subir nos sentiments et émotions, mais vouloir les contrôler, c'est aussi ne pas les laisser s'exprimer. Il y a des choses mauvaises et chacun de nous, il y a des choses mauvaises en chacun de nous qui provoquent des comportements involontaires. Suis-je au-delà de la réalité si je pose la responsabilité sur le groupe et que j'accuse le manque d'exercice de la conscience? Ou l'extrapolation d'une conscience cynique? Le monde est pervers et j'en fais partie. J'ai un fort sentiment de vivre dans une conjonction de plein d'interprétations différentes d'un même événement, la vie. Je passe à un endroit à répétition. J'ai l'impression que se mélangent les passages, tout en me connectant à un défilement du temps plus global. J'ai une image de feuilles qui tombent. Un instant, la tige cède, et le mouvement de la chute. Toute la croissance qu'il a fallu à l'arbre pour arriver à cette feuille. Et toutes les autres au cours continu des choses tombent. Je suis déjà en train de me relever. Mes mouvements sont libres, la tempête de sens accalmie. Faute de savoir quoi faire, on peut observer l'étendue des dégâts, puis, de bonne volonté, commence à reconstruire le monde. Qui a de l'intérêt dans l'existence trouve une raison de réagir et de s'inscrire dans une amélioration de son quotidien. Le désespoir va avec une stagnation des choses. Il n'est pas nécessaire de croire que les choses vont se dérouler d'une façon négative. A contrario, je ne peux que présumer du bon déroulement des choses. J'essaie de me libérer d'une vision définitive d'un jugement du bien et du mal. Faire la part des choses, supposer une exagération, des fautes d'explication, ignorer. Je pense à l'ataraxie, à un décrochage contemplatif. Hors de soi, si libre, détaché, mais à côté de ses pompes, l'auto-bannissement. Je parle pas d'un centre-ville piéton, ni des semelles qui battent le pavé, de la volonté et de l'énergie qui se dispersent. Je dis qu'il faut se débannir de l'être humain, accepter de s'incarner dans sa propre existence et laisser la responsabilité aux autres de trouver le chemin de qui ils sont et de ce qui les touche vraiment. À l'été correspond un tel déploiement d'opulence, les filets du désir et l'appât de l'aventure, les déceptions amoureuses, les débordements des plages et les siestes en hamac. Je ne me sens pas dégradé, j'ai plus le sentiment de m'ignorer, comme si j'étais une chose qui dépasse de moi-même et qui échappe au présent. Tout est souffrance, respirer, marcher, penser, percevoir, s'accrocher ou laisser couler. L'insupportable ou le simplement désagréable. Plein écran, mort, mort, vice, vengeance, soumission, obscurité, renaissance, boule de feu. Nouvelle lune, mardi 2 juillet. Je pense faire équipier solo, mais rencontrer des partenaires. La sexualité et ses enjeux prennent trop de place. J'ai envie d'aimer le faire exister, des moments d'extase, persévérer dans la rencontre, la diversité et la complémentarité. Mais je me sens en rejet de qui attend quelque chose de moi. Ça me saoule, je veux pas ton désir accompagné de reproches. Tu comprends ce qu'il se passe? L'illusion du besoin. Fait chier, le hamac, mon pantalon rouge, mes slips, des chaussettes, la rage. J'ai bien profité du week-end, mais là je me sens blasé. Si tu reviens, connard, on te pète ta gueule de pute. Vérification, ça va pas le faire le bateau. Ils ont défoncé eux-mêmes la porte de la salle de bain. Permission d'aborder. Les choses ne se passent pas amicalement. Comment va l'intrus? Je crois que ça va pas être possible. Version simplifiée, je suis à la rue et je n'ai aucune piste pour un appartement. Je choisis certaines solutions de simplicité qui s'avèrent infructueuses. Choc thermique, ça claque. Une toute petite goutte placée sur un verre chaud. Une boîte à chaussures, c'est bien, avec une bouteille d'eau entamée et un journal pour montrer que vous vous intéressez à la vie de la cité. Conte de l'épouvantail animé. Le secret des épouvantails, c'est qu'ils bougent. Il y a une tribu de farfadets qui s'amusent à les faire remuer avant que le vent n'ait déchiré leur chemise. 60 euros que j'ai mis dans un violon. Il pourrait se transformer en contrebasse en changeant l'échelle. Je repense à la ménagerie mécanique et au TV habité de Zarno. Je suis fané, on nous a parlé d'un couloir avec un rat mort à dégager. Mes paupières sont lourdes. Encore une journée de tirée. On va tout bloquer. Je veux dire que toutes les dates vont être prises pour préparer, réaliser du bruit et nous faire et en foutre plein la vue. Et nous en foutre plein la vue. Je viens de retrouver le stylo bleu dans une pine de pin avec une brindille sous le capuchon, du côté opposé de la mine. C'est sûr que c'est celui-là parce que j'avais coupé un bout de tube de tube à encre que j'ai dans l'oreille. une sorte de rondelle. Une sorte de rondelle des Carpourgons. Peut-être que c'est un truc. Ouais, on est déjà jeudi. Demain, j'ai fini ma condamnation. Note d'intention. Préparer la crémaillère de Habou. Publier des articles dans raccoon.unblog. Faire le 14 juillet à Carcassonne. Changement de position, habilitation électrique. Organiser un planning calqué sur le trimestre de Décla à la CAF. Élingue pour le trapèze, atelier clown, exercice. Bonjour, je me présente, je suis au clap, jeu d'objets. Le banc de poisson en randonnion. Stop impro. C'était le temps des fleurs, des souvenirs et des pleurs. Je repense à l'organisation clanique des Muzacs, à la rupture du lien dans le cadre du travail, à toutes ces affiches, au gris qui recouvre le monde. Je vois les virages à toute blinde. Toutes ces soirées à tirer des douilles au travail, mal préparées, à ma Golf, ma Laguna, à Lola, puis cette Saxo avec le réservoir percé. Consciemment, on peut intégrer certaines choses, on ne leur accorde plus aucune importance. J'ai signé dans une colonne avec écrit condamné en haut. Là, c'est fini, je suis dans le train. Je repense à chez Mamoulilou que. Je repense à chez Mamoulilou quand je trempais mon pain au lait dans du lait en regardant la télé. J'essaie plus de réfléchir que de raconter dans cet ouvrage. Bon, le violon comme contrebasse pour un pantin. À quel moment commence la chute d'une feuille? Pour le danseur qui se dirige vers ce mouvement, le début de la chute de la feuille est immobile. Mais les intentions dans le geste sont mouvantes. J'imagine un chemin de pensée. Non, pas les fleurs. L'itinéraire de la réflexion. Si la feuille, c'est la main, il va falloir monter la main en l'air avant de pouvoir chuter. Et une fois au sol, comment est le corps? Je veux que le danseur disparaisse de notre vue, mais que l'on voit très bien la feuille. Mécaniquement, il peut se fondre dans le décor. Une fois au sol, pourquoi ne pas se faire emporter par un coup de vent? J'ai en tête une scène de type théâtre national avec une grande cage. Le spectacle, c'est comme une incantation. Il doit y avoir un enjeu, un objet, un prétexte. Tu trouves comment quelqu'un qui jouit? Je pense au désir qui gonfle, puis à sa disparition soudaine, à l'envol du plaisir. C'est de. C'est de l'énergie. De la chaleur qui se dissipe. J'ai l'impression que les ébats sexuels se mélangent à l'acceptation de l'autre. Accepter et vouloir, c'est très différent. Pourtant, je sens de la confusion, même si je cherche essentiellement à être lucide. J'ai l'impression de m'infliger une vision cruelle et brutale du monde, alors que je pourrais interpréter les choses beaucoup plus gentiment. Je viens de faire plusieurs fois le même rêve étrange, en réaction à un bruit de violet. Je suis dans le lit, je me lève, et le noir profond me trouble. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, j'essaie d'allumer la lumière, rien. J'ouvre la fenêtre dans une variante, mais le noir est saisissant dehors aussi. Je ne vois rien. Une autre fois, je sors jusque sur le côté de la maison, tous les lampadaires et les maisons voisines sont éteintes. Je faisais un rêve similaire à Lavoisier. J'allais aux toilettes et je n'arrivais plus à percevoir les murs autour de moi. Le petit couteau que j'ai acheté au marché est apparu dans un rêve après. Je marchais sur des tapis blancs où il y avait des traces de pas mouillés. Il y avait aussi des marionnettes. Je suis dans la caravane, My River Tuck. Je dois faire dans. Ça doit faire dans les 1 an que je n'y ai pas vécu. Juste avant de me réveiller, j'étais dans un escalier avec un vélo. Je passais un coup de fil à AD qui semblait embarrassé. Pleine lune, juillet 2019. Je me réveille avec des rêves chelous, une grande baraque avec des souterrains escarpés où il y avait un VP avec plein de films. À un moment, j'occupais une petite chambre, ensuite une autre très encombrée. Il y avait accès avec une clé rangée dans un tiroir. J'accueille une amie sur Carca. Enfin, si elle arrive jusqu'ici. Il y a un concert ce soir à Chénier. Guy m'a dit qu'il était passé côté Espagne, mais qu'il rentre cet après-midi. Motivé le gars. Radio Caducci. La radio du monde caduque. Et nuisance qui pirate les ondes cérébrales. 2019 s'écoule à grande vitesse. Là, je découvre le nouvel album de Stupeflip en fumant ma dernière tête d'herbe folle. Polenta, Polenta, la chanson de Raquel parle de Polenta. La jeune fille au crocodile s'est jetée dans la rivière du chemin, nous laissant, comme la berge, regarder son cours qui s'éloigne. Premier quartier, août 2019. Du sel a encore attiré de l'eau, mais on n'est pas vers ma caravane. Je suis à Peyriac de Mer, où je me suis rendu après le MIMA, où j'étais bénévole au bar. On devrait rester 3 jours, explorer un peu les environs, retrouver un rythme de vacances. J'ai pas donné de news à Andy et je me sens un peu harcelé par Camille. Je repense à la fraîcheur de l'eau, à Mirepoix, à tous les spectacles que je n'ai pas vus et à la gentillesse des rencontres. C'est bien plaisant. Mirepoix, bonne destination. Je reste sur un non-départ pour Douarnenez. L'idée de creuser vers une habilitation électricité me semble favorable. Je pense que le lieu de Laurent à Cosne pourrait devenir un véritable laboratoire autour du geste et de la lumière. J'accumule des enregistrements et j'aimerais les diffuser, mais c'est pas évident pour moi de savoir comment les mettre en forme. L'installation de Brice, outre qu'elle diffusait via les ondes FM, comprenait de nombreux postes disséminés dans les locaux de son école et la pièce sonore durait moins de 20 minutes. Il y a de nombreux supports sur le net, de SoundCloud, YouTube, Reverb Nation, à Archive. J'ai un faible pour Archive, avec le public, Marc. Ossine m'a parlé des VSM au MIMA et d'hébergement alternatif, Peertube. Sur la vidéo qu'on avait créée pour Résistance, Coréa, on utilisait les licences Creative Commons, ça veut dire diffusion et utilisation libre en citant la source. Un coup de balai, rincer la douche, vider les poubelles. Quand on aura fermé la maison, nous irons se mettre un dernier coup dans le Doul, puis j'ai proposé un itinéraire par la grâce et Griffeuil. Il y a Rita et Sylvia du MIMA avec moi. Je suis pas mal demandé sur Toulouse et j'ai dû y rater mon rendez-vous à la maison des solidarités. Fuck. En tout cas, il me faudrait aller relever mon courrier au CCAS. Je sais pas trop de quoi j'ai envie. Sûrement de spectacle, de gagner ma vie en me divertissant. Je réfléchis aussi à du service, pas vraiment à du saisonnier. Plutôt du long terme. Ma seule expérience repose sur Musical Soul et j'aurais tendance à dire que c'est pas un milieu socio-pro sérieux. Dans quel sens je peux chercher à travailler dans la durée? L'an dernier, je pensais à de l'animation régionale. J'ai vu un appétit. J'ai vu un appétit pour la culture et une certaine attirance pour l'héraldique. Je devrais peut-être me renseigner sur le tourisme et l'accompagnement de groupe. Il me faut voir l'Occitan comme un atout. 12h37, dimanche ensoleillé. J'entends une mouche, un vrombissement proche du moustique. Le sable est une composition de coquillages en miettes. La végétation est plutôt pelée. L'eau reflète le ciel. Je cuis à feu vif. Il va falloir se jeter à l'eau. Hier, le Doul faisait danser son écume sous le vent. Aujourd'hui, c'est un peu plus plat. Les filles ont choisi de se poser à l'ombre. Je cherche rien de particulier. J'attendais un mot de Rosa sur mon portable, mais elle a fait bouger pas mal de choses dans son engagement sur Mirepoix. Il faut attendre pour voir ce qui se dégage comme perspective. J'attends la pleine lune avec impatience, mais langueur aussi. Je voudrais ouvrir une table de jeu de rôle et il me semble que Ambre reste ma reine la titrée. Mais j'ai aussi ce putain d'appétit pour Bitume, les fourmis, les clans post-apocalyptiques. 7h28, nouvelle lune, septembre 2019. J'ai fait des rêves teintés d'angoisse. C'était une grande salle avec des alcôves. Les candidats étaient sur leurs feuilles, à même le sol. Je cherchais mon sac et mendiais finalement une feuille. Je regardais le sujet et les questions étaient très vagues. J'avais acquis un camion style camouflage. Après être passé dans un appart en hauteur, je ne retrouvais plus son emplacement. Puis, dans la rue, je tombais sur un porteur blanc avec une grosse cuve et un bras mécanique. Une maison se retrouvait en flammes sur le contrebas de la rue. Je passais en ville le long d'un bâtiment et les enfants descendaient une canalisation. Je voulais les imiter, mais m'en sentais incapable. 7h40. Je marchais le long d'un lac. Il y avait un bureau avec deux occupants. Je demandais de l'eau. Et un des deux types commençait à me remplir une bouteille depuis un sac cubi argenté. J'exprimais que je ne voulais pas du vin, c'était de l'eau en cubi, pour mieux la mettre au frais. J'arrivais ensuite dans un parc où une personne gonflait des ballons. C'était une grenouille multicolore, masquant un visage derrière un voile à l'intérieur de la bouche, aux dents figurées par des tissus tirés en bandes. Pour la fin, j'étais passager d'une voiture. On arrivait trop vite dans un rond-point. La voiture escaladait une colline, débouchait à toute berzingue sur un plateau avec deux bâtiments, un gros sur la droite et un plus petit au fond sur la gauche. Un dérapage nous plaçait en marche arrière vers la gauche. Je vois un énorme château avec des grandes arches. Je me glisse dans un groupe de touristes. Sinon, j'ai dormi dans la Carlo Blackmail. Il y a eu le Rumfest. Camille est venue avec moi de Toulouse avec sa voiture et son accordéon qu'elle a sorti le lendemain matin. On vient de trouver une bouteille en plastique au sol dans une tranchée anti-feu, à ce qu'il me semble. On aperçoit un pic direction nord à 10 millièmes au-dessus de l'horizon. Des éoliennes avec deux rangées écartées de 30 millièmes à partir de 70 millièmes sur la gauche du pic. Après être remonté sur la crête, on est tombé sur les repères égal 28-27. Et en dessous, on est retombé sur une route que l'on a pris direction plein sud, 14h57. Douze heures cinquante-sept, on n'est pas loin du premier quartier hier. On s'est posé en haut d'une colline, moi dans un hamac et toi nous dans une bâche. Il devait être 19h. Je me suis endormi vers 3h30 après être allé pisser. Je n'avais pas quitté le hamac tout ce temps-là, reposé mais sans dormir. Ensuite, j'ai bien dû faire 5 heures de sommeil. Sous y a le quartier des Pézins, première nuée, taquille d'un puits incendie. Je suis au chantier de Pézins, première nuit ici depuis l'incendie. On pose l'isolant en écoutant la radio. C'était bien le concert de hier à Montaulieu. On a bien bu avec Jess. Fouch. Dernier quartier, avril. Avenrum, putam, Camille, Souski. Mas motivasyu. Ensa, jidev parga, de pichuno formo, per scenografia. Un espace irréduisit. Pensi al cantu imaginari, un l'escala cambiavo, mai prigu d'intrava. Yavio, une parette. On a rompu avec Camille, je pense à mes motivations. J'essaye de faire des petites formes pour scénographier un espace réduit. Je pense au canton imaginaire où l'échelle changeait au fur et à mesure que tu rentrais en profondeur. Il y avait un mur. Quand je sors de la sieste, ça m'arrive d'avoir des fourmillements dans les jambes ou en milieu de matinée, une sensation de clignotement des yeux. C'est curieux car les mouvements où j'ai cette sensation se rejoignent en ensemble discontinu. La zagut, la s'agit. Pleine lune 2020. Je suis allé récupérer mes affaires chez Milou. Ça m'a un peu serré le cœur. J'avais bien envie de la prendre dans mes bras. Elle m'a partagé un verre de bière. On a discuté du confinement où elle m'a montré sa maquette de projet cabane. Elle s'est pris un refoul de la banque. Tout de même, elle avait l'air en forme. C'est bien d'avoir rompu, car je pense que l'on a partagé beaucoup de choses, mais je ne me sentais pas libre d'explorer l'envie ailleurs, et surtout, je la trouvais trop en demande. Depuis que le terme de notre relation a été posé, j'ai senti un fort contact avec Rosa B. Je l'avais rencontrée au Mima, le festoche de marionnettes de Mirepoix. Je pense à un personnage vieux sur un banc d'un village avec un tas d'histoires racontées. Un délice de tes doigts que j'ai envie de mordiller. Le réveil sonne sur la table. C'est pas celui de Luciole. On n'est pas sorti enflammé hier, et ça a été trop compliqué d'aller chez Stéphania. Je suis un peu déçu. Tout le monde en service et moi qui suis motivé. Concevoir. Surtout que j'ai perdu le patin de ma derby droite. Mouahaha, je vais pouvoir mettre 1 heure pour rouler et squatter le pieu là-haut avec Charlie.